soit comblé. Sa disquette passe trop, impossible de compter. En vrai, t'es ni son plan A ni son plan B. Maintenant tu réalises sur qui t'es tombé. Tombé, tombé. Bien fait quand t'as un gentil mec, tu bombes. Tu laisses peut-être la chance qu'au mauvais mec, tous en laissant passer le bon. Tu l'as quitté pour un homme qui va te faire la même chose. Parce que t'as fait de mal, on te fera la même chose. Tu l'as trompé pour te venger, mais c'est pas la même chose. Tu l'aimes à mort, mais il ne te verse pas la bonne dose. Et ça, rien ne pourra le changer. Nana, non, ça ne va pas changer. Nana, et ça, rien ne pourra le changer. Nana, non, ça ne va pas changer. Nana. T'as une perle mais tu joues avec elle comme ballon. C'est elle qui fait tout, toi tu restes assis au salon. Tu la négliges mais beaucoup trouvent qu'elle est canon. Tu donnes du temps au ton alors t'as un putain d'étalon. Et un beau jour elle va te mettre sur le déco. Car t'as servi à rien à part à faire la déco. Elle t'a laissé ta chance, t'as déconné. Donc il est interdit de l'insulter. Tu l'as quitté pour un homme qui va te faire la même chose. Parce que t'as fait de mal, on te fera la même chose. Tu l'as trompé pour te venger, mais c'est pas la même chose. Tu l'aimes à mort, mais il ne te verse pas la bonne dose. Et ça, rien ne pourra le changer. Nana, non, ça ne va pas changer. Nana, et ça, rien ne pourra le changer. Nana, non, ça ne va pas changer. Nana. Tu t'es donné, t'as perdu, t'es déçu, plus jamais recommencer. Si tu joues, on jouera avec toi. Est-ce que tu fais, on te fera. Tu t'es donné, t'as perdu, t'es déçu, plus jamais recommencer. Si tu joues, on jouera avec toi. Tu l'as quitté pour un homme qui va te faire la même chose. Ce que t'as fait de mal, on te fera la même chose. Tu l'as trompé pour te venger, mais c'est pas la même chose. Tu l'aimes à mort, mais il ne te verse pas la bonne dose. Et ça, rien ne pourra le changer. Nana, non, ça ne va pas changer. Nana, et ça, rien ne pourra le changer. Nana, non, ça ne va pas changer. Nana.